Et maintenant, on retrouve Patrice. Bonjour Patrice. J'imagine que tu étais en haut au salon d'écoute en train de préparer votre partage d'écoute qu'on va entendre d'ici quelques minutes. Ça va, pas trop stressé ? Non, au contraire. Aujourd'hui, j'ai amené donc un autre objet sonore. C'est encore un projet collectif réalisé avec Adam David, son frère et moi. Du coup, il s'agit encore d'un travail de collecte de disques un peu surprenant. Il existait dans les années, entre les années 60 et je pense jusqu'aux années 80, des cabines du type automaton dans l'espace public, dans lequel on rentrait, on mettait une pièce, on enregistrait un petit mot, une carte postale sonore adressée à son tonton, à sa mamie, à son amoureuse, et parfois même à ses animaux domestiques. Là, on a un couple qui s'adresse à son chat qui reste à la maison, et c'est comme ça des petits instantanés un peu sonores, des moments de vie en fait. Et du coup, on a collecté ces disques qu'on retrouve comme ça sur, encore une fois, sur les vide-greniers, parce que ces disques qui n'ont pas de valeur commerciale, qui sont de l'ordre de l'intime finalement. Ils ont été conservés chez des gens, parfois abandonnés. On les retrouve de temps en temps. Donc cette marque, ce dispositif existait par exemple aux États-Unis sous la marque Voiceograph, en Europe plutôt Calibre ou Mio Disco, et on les trouve comme ça sur les brocantes, parfois extrêmement usés parce que c'est des disques assez fragiles. Et ce qu'on va écouter ce matin, du coup avant que je retourne là-haut pour l'écoute, on va écouter un enregistrement du coup anonyme d'un monsieur qui commence comme ça, qui dit voilà, je parle sur le disque. Et donc, il décrit finalement un peu le mécanisme de cette cabine avec finalement son espace. Il dit qu'il parle sur le disque, il y a l'attente, il y a toute cette présence. On va écouter aussi un disque d'une jeune Française qui a fait cet enregistrement en haut de l'Empire State Building à New York, où se situait également une cabine. Et donc elle s'adresse à sa famille en France. Ce disque a été posté dans une carte postale, enfin pas une carte postale, mais dans une enveloppe adressée à sa famille. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup elle est toute excitée, elle est en haut de l'Empire State Building. On vit ce moment avec elle qui date de 1963, selon le cachet de la poste sur l'enveloppe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on entend aussi le bruit de la surface du support, ce qui fait qu'il y a une espèce de rotation du disque. Celui-là, c'est un disque en carton, et donc on peut très bien s'imaginer à l'écoute une espèce d'ambiance sonore du sommet de l'Empire State Building, avec un frottement qu'on peut assimiler à du vent, par exemple. Il y a aussi des déclarations d'amour, des fois de rupture, des gens qui entrent ivres dans la cabine pour chanter des petites chansons en fait. Et puis ce qui nous intéresse avec Elia et Adam, c'est aussi de s'intéresser encore une fois à ces surfaces en fait qui ressurgissent comme ça de par le passé, un peu de nulle part. Et donc ces surfaces sont pour la plupart aussi parfois assez altérées, du coup ça crée une autre dimension sonore, il y a plusieurs dimensions sonores qui superposent, on entend la spatialisation de la cabine, la manière dont les gens se sont positionnés par rapport au micro, voir s'ils sont nombreux dans la cabine, on attend aussi un hors-champ sonore, parfois il y a des mobilettes qui passent, parce que les cabines étaient situées dans l'espace public, type galerie commerciale ou grand boulevard par exemple. Et puis donc on a avec Alian, Elia et Adam réédité un disque qui n'est pas commercialisé. On trouvait que c'était pas une bonne idée. C'est un disque monoface, 33 tours. On a compilé ces disques qui nous intéressaient le plus et on les a remis comme ça dans l'espace public, c'est-à-dire chez des disquaires ou dans des bacs de soldeurs, ou parfois dans des cabines photomatons également, pour que d'autres gens puissent le retrouver, avec une petite note expliquant chacun des disques trouvés et le bribe d'histoire qu'on a sur ces disques, parce qu'en fait on dispose de très très peu d'informations sur l'histoire de ces cabines. Mais on ne sait même pas qui sont à la base de ces cabines, Non, c'est des entreprises, je pense. Ça a apparu, je pense, juste exacte au même moment ou juste avant, finalement. Je pense qu'il en existait dès les années 30 ou 40. Mais je pense que ça apparaît juste avant l'apparition du magnétophone domestique, tout simplement. Et ça se trouve uniquement, je pense, dans les grandes villes du monde, en fait. J'en ai trouvé un, Genève aussi, qui est très très beau ici. Mais c'est des objets assez singuliers, assez rares, finalement, quoi. C'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient un peu. Enfin, on va le retrouver dans des événements liés au son, à la radio, mais de faire des cabines d'enregistrement où les gens viennent laisser des petits messages, c'est des choses que j'ai retrouvées dans certains festivals. Et... Ouais. Et puis c'est un peu l'ancêtre de la communication un peu. Maintenant, on envoie des SMS ou des Instagram ou autre, dans un autre délai, beaucoup plus étiré, du coup. Ouais, c'est une forme un peu... Alors, il y a un artiste qui s'est amusé à refabriquer un dispositif et regraver des disques. Et ça, c'est une idée, notamment, on travaille souvent, comme je vous l'expliquais, moi je travaille pour un théâtre, et avec Jérôme, on organise des soirées dans le cadre de notre semaine du bizarre, qui s'appelle les revues phonographiques. Et on travaille notamment avec Gérald Alaro du Phonomuseum à Paris. Et en fait, son idée aussi, c'est de recréer une cabine comme ça, pour pouvoir l'installer dans des espaces, pour que les gens puissent... enregistrer un petit mot sur support et puis le faire partager ou l'envoyer, quoi. Ben, écoutons. Et moi, je m'en vais. Merci. Je suis en train de parler sur le disque. Je m'appelle Michel Verbruggen, j'habite à 16 rue Hoche à Drancy. Oui, c'est bien moi. Vous m'entendez en ce moment, je parle depuis la cabine de la synchronisation. Il n'y a plus beaucoup de temps à vous dire, parce que le disque n'est pas long, mais enfin, si vous voulez tout à l'heure, je vais vous remettre le machin. Voilà, c'est terminé. Encore un petit quart d'heure. Je n'ai pas grand chose à vous dire, sinon tout va bien. Si vous voyez bien, enfin, le disque est bon, hein. On entend les voitures qui passent, je ne sais pas si vous les entendez, mais tout ça à l'extérieur. C'est vraiment formidable, comme dire à l'autre. Le disque est long à écraser, mais enfin le principal, c'est que quoi, j'en sais rien, mais enfin c'est beau. C'est beau, il tombe de l'eau à l'air dehors. Alors que pour me mettre à l'abri, j'enregistre un disque. Voilà. Voilà. Et bientôt c'est fini. C'est terminé. Encore trois quarts d'heure. Et puis on n'entendra plus rien. Je sais pas s'ils m'entendent. J'espère qu'ils m'entendent pas, parce que s'ils m'ont écouté mes conneries, alors là, c'est pas fini.